passé dans mon rêve. Une abeille à mon bébé, une fou. Mais moi, je connais qui mon amour est. Mon léqué avant les sa fois, mon pensou. Mon appel qui s'allie arrêté. Ça vous sent.